Quelques heures après l'annonce, je vérifie dans le miroir. Le visage d'après ta perte emporte-t-il les marques? Je m'attends à ce que ce pan de vie daté, cet appendice traîné partout, ce morceau d'histoire arraché, se traduise sur l'épiderme. Par un carré rêche, ridé, mort, une paupière plus lâche qu'hier, une lèvre asséchée, vidée, plate, une balafre, une tache de vin ou un abcès. Le visage qui se lève vers moi est en tout point pareil à celui qui te connaissait. Le regard qui t'a pleuré est aussi souple, façonnable, volubile. L'habit s'entraperçu ne s'est pas imprimé. Ses yeux ne disent rien de son emprise. L'empreinte a coulé dans l'eau sale. Les pupilles dilatées t'ont peut-être engouffré, ou leur encre rogné ton souvenir. Je sais pourtant que tu t'es déjà réfugié. D'où me parleras-tu ?